mystère et des églises et ce terrible, des paroles et des idées qui forment un scribe. On s'était dit de ne vouloir qu'un paradis. Deux êtres de sang entremêlés se plongent dans la lagune froide, le cœur serré, la gorge raide, le cœur en peine, l'âme fêlée. Des lignes longitudinales, douleur anale, des rimes ingurgitant banales comme ces vieilles halles. Parler, écrire certains soirs, même très tard, c'est comme des sages voulant creuser leur dard. De l'humanité mal aimée tous, pourquoi tant vous blessez tous? Et moi je tousse, et moi j'en fume, et moi je tousse, et moi cette plume. Quelqu'un